vivier n'est gap manje sou krep soloy. Même si la terre ronde, c'est pas faute malheureux. La vivier n'est gap manje sou krep soloy. Même si la terre ronde, c'est pas faute malheureux. La jambe a fait boule, nos poches malheureux. Nous faites pour nous vivre sur la terre bénie. La jambe a fait boule, nos poches malheureux. Nous faites pour nous vivre sur la terre bénie. La vie vienne comme un Jésus sous crêpe soleil, même si la terre ronde, c'est pas votre malheureux. La vie vienne comme un Jésus sous crêpe soleil, même si la terre ronde, c'est pas votre malheureux. La jambe avait boule, la poche malheureuse, nous faisons nous vivre sur la terre bénie. La jambe avait boule, la poche malheureuse, nous faisons nous vivre. Sur la terre bénie, mes amis, là j'en pas fait boulot, la poche malheureuse. Mes amis, là j'en pas fait mon œil, la poche malheureuse. Mais comment il est dépensé, la poche malheureuse. Mes amis, là j'en pas fait boulot, la poche malheureuse. Mais comment il est dépensé, la poche malheureuse. Mes amis, là, j'ai pas fait mon nez. La poche malheureuse. Mais qu'on l'a dit, il dépensé. La poche malheureuse. Mes amis, là, j'ai pas fait boulot. La poche malheureuse. La vie vienne, cap manger sous crêpe soleil. Même si la terre ronde, c'est pas votre malheur. La vie vienne, cap manger sous crêpe soleil. Même si la terre ronde, c'est pas votre malheur. La j'ai pas fait boulot. La poche malheureuse. Nous faites pour nous vivre sur la terre bénie. La jambe pas fait boule, la poche malheureuse. Nous faites pour nous vivre sur la terre bénie. Mes amis, la jambe pas fait boule, la poche malheureuse. Mais qu'on retire les dépenses, la poche malheureuse. Mes amis, la jambe pas fait mon nez, la poche malheureuse. Mes amis, la jambe pas fait boule, mais qu'on retire les dépenses. Mes amis, là, j'en pas fait boulot. Mes amis, là, j'en pas fait boulot.